Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. On va parler maintenant d'athlétisme. Il y a tellement eu de choses au cours des dernières semaines. Ça fait au moins un mois que je voulais y parler, mais là, on va prendre le temps de parler avec. C'est Alex Bussière de Dolbeau Mississippi qui arrive dans un camp d'entraînement en Californie. Il est en pleine préparation. On va lui parler comment ça va. Salut, Alex. Salut, Denis. Alex, je t'ai suivi. Je voulais te parler, mais on a tellement de sport cet été, ce printemps, qu'on n'a pas eu le temps. On va le prendre le temps. Comment ça va avec ta préparation? Ben, ça va bien, comme tu viens de dire, j'arrive d'un camp d'un mois en Californie. Okay. C'était un camp compétition-entraînement où on essayait de quand même aller chercher les gros chronos. Okay. On focusait un peu moins sur les gros entraînements parce qu'on avait des grosses compétitions NCAA Division 1. Oh. Pour ça, l'objectif, c'était de faire le standard des Jeux de la Francophonie. Qui ont lieu en Côte d'Ivoire. Malheureusement, je les ai manqués de 41 centièmes. OK. On s'entend que c'était pas grand-chose. Mettons, je vais illustrer ça, c'était pas mal 4 mètres. On s'entend que j'ai pas manqué de beaucoup. C'était un peu décevant. J'ai eu 4 reprises pour essayer de le faire. Les autres compétitions, soit qu'il y avait eu des mauvaises températures, soit que j'avais pas le peloton idéal. Mais au final, j'en ressors quand même de là avec mon standard élite, comme je vais être reconnu élite par la fédération, par le gouvernement du Québec. Okay. Je m'assure d'avoir 4 000 $ l'année prochaine. Donc, au moins ça, ça a été réglé en début de saison. Oui. Donc, je peux focusser sur les autres objectifs de la saison, comme peut-être faire le standard des championnats mondiaux universitaires. Pour ça, il va falloir que je fasse un autre chrono sur l'une 48. J'avais fait là 2 ans. Là, il faut que je la refasse d'ici les championnats canadiens qui sont le 4 au 6 juillet. Donc, pour l'instant, le principal objectif de la saison, ça va être d'essayer de faire une 48 avant le 6 juillet. OK. 400 mm, comment t'as manqué? 40 centièmes? Ouais, 41 centièmes, donc à peu c'est, près... C'est à peu près ce qui est le plus dur, c'est pas beaucoup, mais c'est probablement ça qui est le plus dur à aller chercher, hein? Je vais t'avouer que vu que mon record personnel est 2 minutes 48, ouais. À 1 minute 50-0-0, j'aurais dû être capable d'aller chercher, là, t'sais. Okay. T'sais, le 41 centièmes, t'sais, mettons, je te dirais qu'il faudrait que je retranche 41 centièmes à mon record personnel, oui, là, ça aurait été énorme. Là, c'était de retrancher 41 centièmes à 2 secondes de mon record personnel, donc, dans ce cas-ci, c'était pas nécessairement énorme, mais okay. Je pense que ma préparation était juste pas optimale pour courir aussi vite, aussi tôt dans okay. La saison. C'est quoi les conditions, le vent? Puisque c'est souvent le vent aussi, là, ça rentre en ligne de compte là, en athlétisme. Ouais, le vent, c'est vraiment énorme. C'est, quand il y a des bonnes bourrasques, genre ça tue vraiment une course. Il y en a qui sont capables super bien de le gérer, soit parce qu'ils sont tout petits, soit qu'ils sont capables de bien se cacher derrière une personne. Il y en a qui, ça leur rentre beaucoup dans la tête aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment, le vent, c'est souvent de quoi qui va jouer dans la tête du monde, en fait. Puis j'en fais partie. Je vais t'avouer que je me pointe sur la ligne, je pars déjà négativement. Mais, tu sais, veux pas, si ça vient avec la compétition, faut que tu gères avec. Puis souvent, ça fait en sorte que, tu sais, oui, en effet, tu vas courir un peu moins rapide. OK. Si on parlait maintenant de la saison estivale aussi, là, combien de compétitions? Ouais, j'ai environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 compétitions à venir. Okay. Pour la plupart, ça va être du 800 mètres. Je vais commencer justement, je vais aller à Halifax le 9 juin. Je vais courir mon premier 800 mètres de comme ma deuxième saison estivale. 9 juin, 23 juin à Québec et 29 juin à Toronto. Ces trois compétitions-là vont me servir justement un peu de qualification, comme je disais, pour essayer de me casser pour les mondiaux universitaires, ou que là, il faut que je cours 1 minute 48. Okay. Ensuite, je vais me diriger à Ottawa le 4 au 6 juillet pour faire les championnats canadiens, où je vais courir encore un 800 mètres. Okay. Ensuite, une semaine plus tard, je vais courir un 1500 mètres à Québec pour une soirée rouge et or qu'on fait. Ensuite, je vais me diriger probablement en Europe avec l'équipe du Québec parce que, dans le fond, vu que j'ai pas été classé pour les Jeux de la francophonie, il y a comme un peu un bonus de performance pour ceux qui étaient très prêts, mais comme pas qui n'ont pas eu le standard. Donc, ils font une équipe du Québec de 8 à 10 personnes ou qui s'en vont compétitionner en Europe, faire des grosses compétitions parce que, dans le fond, la saison d'athlétisme en Europe, c'est vraiment fin juillet, début août. Donc, okay. on va se diriger là avec une équipe du Québec pour performer. Donc, c'est vraiment beaucoup, là. Je regarde ton calendrier. C'est combien d'heures d'entraînement là, pour fournir tout ça, là, par semaine? Exactement. En heures, je pourrais pas vraiment dire. Je pourrais peut-être, mettons, entre 15 et 20. Ça dépend des semaines. Okay. Mais c'est beaucoup de ce qui est à côté. Tu sais, mettons, je vais souvent m'entraîner. En général, je m'entraîne 6 jours sur 7. Là-dedans, il y a 2 journées que je vais m'entraîner 2 fois. Là, on parle juste au niveau de la course. Là-dedans, il faut que j'inclue ma musculation. Okay. J'inclue mon stretching qui est à tous les soirs. Il faut que j'inclue les abdominaux qui est à tous les soirs, plus du renforcement musculaire qui va être une fois ou deux soirs. Donc, okay. Tu sais, 15 à 20 heures, moi, je parle juste au niveau de la course. Ça rentre pas en... Ce que je compte pas vraiment dans le temps, c'est tout ce qui est un peu prendre soin de son corps. Qu'est-ce que je fais chez moi le soir en écoutant la TV ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps pour 1 minute 50 de course. Es-tu vraiment encore... si je regarde tout ça, es-tu autant motivé encore qu'avant quand tu étais jeune? Parce que, quand on vieillit, me semble... Ça doit être plus dur. T'as-tu la même motivation que l'Alex Bussière qui était ici à Dolboom Cisny? Je vais t'avouer que c'est pas exactement la même motivation. Ouais. Quand on est jeune, t'sais, comme présentement, là, ça fait. Je suis dans ma 11e année de course. Fait que c'est quand même longtemps. Parce que, mettons, un gars comme qui est Charles Philbert Thibouteau, qui est allé aux Olympiques, commençait à s'entraîner à 17 ans. Ouais. Moi, j'ai commencé à m'entraîner à 13 ans. C'est sûr que, mettons, après 10 ans de course, c'est plus la même motivation. T'sais, quand j'étais jeune, tu te casses pas la tête, tu cours le plus vite possible, tu checkes pas trop les chronos, tu essaies de gagner la course sans nécessairement te soucier de tout ce qui est autour. Plus que tu vieillis, plus que tu te rends compte de ce qui est autour, tu te rends compte que finalement ça demande beaucoup de temps. Les blondes au travers de ça aussi, là. Ouais, les blondes, les universités et tout. Ouais. Fait que, non, mais tu sais, là, surtout, tu sais, là, l'objectif, tu sais, je sais que. Si je fais pas en bas d'une minute 50, j'ai pas tel objectif, tel objectif, tel objectif. Tandis que quand t'es jeune, ben tu te soucies pas de ça. Y a pas d'argent à gagner, y a pas vraiment d'équipe nationale à faire. Fait que tu sais, ça devient plus complexe. Puis tu sais, oui, en effet, c'est plus dur mentalement. C'est souvent plus des dons quand tu fais pas des objectifs ou quand t'es sûr. Fait que non, tu sais, c'est plus rough. Mais tu sais, quand t'as la motivation puis tu t'entraînes pour, tu sais, le talent, je le sais que je l'ai. Donc, j'ai le même talent que quand j'étais jeune, tu sais, je l'ai juste augmenté de année après année. Donc, c'est juste de travailler fort puis d'être fort mentalement. Il faut vraiment que tu aies des objectifs concrets, sinon rendu là après 11 ans de course, c'est sûr que tu vas être sûrement démotivé, là, tu sais. Comme tu sais, moi je me dis, optimalement je me rends jusqu'à 2024, je veux pas arrêter l'athlétisme avant ça, tu sais. Ouais. Ça c'est mon objectif. Fait que, tu sais, je sais que d'ici 2024, je vais toujours trouver, si ça marche plus, je vais trouver un autre moyen pour essayer que ça marche encore, tu sais. Effectivement. Je reste focalisé sur cet objectif-là. J'imagine quand on a 16 ans, quand on est jeune, puis qu'on est à l'âge des Jeux du Québec, exemple, de courir dans les Jeux du Québec, on pense olympique. Donc, c'est pas dur se motiver, là. C'est vraiment pas dur, là. Non, c'est vraiment facile. Ouais, tu sais, mais là, quand on vieillit, il y a d'autres choses qui s'entendent de compte. Donc, ouais. Alex, on se parle prochainement pour la première compétition qu'on suive tout ça, là, c'est quand, là? C'est, 9 juin à Halifax. 9 juin à Halifax, OK. Fait qu'on va suivre ça, puis on te rappelle un autre tantôt, évidemment, pour savoir comment que ça va. Parfait, merci, Dani. Il est de Dolbeau-Missassini, Alex Bussière.